sais qu'on est dans la merde. J'espère que t'as de la peine à perdre. On déplatère pendant qu'on nique la terre. On s'embrouille tellement qu'on en est fier. J'espère que tu te contentes de peu, là il va falloir se contenter de perdre. Sortez les ballons, les contacts, les bras longs. L'espoir n'est pas loin, mais ça change, n'est pas long. Je suis pas juge du pardon, mec, prépare tes cartons. Sous l'emprise des débris et sous le bruit des canons. Ils ont vidé la faune. J'entends plus le bruit des oiseaux. Maintenant l'impide est la faute. Leur politique du lasso. Le problème n'est pas le prix mais l'essence. Nos vices, nos dépenses. Saoulé du système, tu voudrais lui briser les jambes. Commence par changer, prendre l'avance. Parce qu'en vrai ça devient putain de relou de vous voir tous penser ce qu'ils pensent. Sortez les gâteaux, les bougies, les radeaux. Installe-toi sur le gradin, le futur est crado. On se fait pas de cadeaux, se nique les poumons de garrot. C'est pas rose, c'est pas rose, y'a des armes sur le cargo. Hardcore. Ruine. Qui nous dit qu'on n'est pas mort et qu'on vit dans un film. Ils ont vidé la faune. J'entends plus le bruit des oiseaux. Maintenant l'impide est la faute. Leur politique du lasso. Tous ces bâtards s'en tapent, ils font du Nesby parle. Sinon de Destiman, oublie hap, c'est les arbres qui font que tu respires, j'gratte. J'm'investis, j'le grave avec modestie, j'rappe le destin à ma culture, mes vestiges. Sortez les bonbons, les goodies, les pompons. Les poupées sont toutes grises, oui, toutes grises comme tonton. Si t'oublies ton nom, t'as des armes sur ton nom. Plus de bonbons que des larmes, y'a des armes sur le ponton. Ils ont vidé la faune. J'entends plus le bruit des oiseaux. Maintenant l'impide est la faute. Leur politique du lasso. Hardcore. Ruine. Qui nous dit qu'on n'est pas mort et qu'on vit dans un film.